Football Flanders, 23e partie. Au milieu de cette partie endurcie de mon existence, j'eus une autre surprise soudaine qui me rappela un peu à cette chose qu'on nomme douleur et dont, en vérité, auparavant, j'avais commencé à passer le sens. On me raconta une nuit qu'il avait été apporté en prison, assez tard dans la nuit dernière, trois voleurs de grande route qui avaient commis un vol quelque part sur Hounslow Heath, je crois que c'était là, et qui avaient été poursuivis jusqu'à Uxbridge par les gens de la campagne. Et là, prise après une courageuse résistance où beaucoup des paysans avaient été blessés et quelques-uns tués. On ne sera point étonné que nous, les prisonnières, nous fussions toutes assez désireuses de voir ces braves gentilshommes huppés, dont on disait que leurs pareils ne s'étaient point rencontrés encore, d'autant qu'on prétendait que le matin, ils seraient transférés dans le préau, ayant donné de l'argent au grand maître de la prison, afin qu'on leur accordât la liberté de ce meilleur séjour. Nous donc, les femmes, nous nous mîmes sur leur chemin, afin d'être sûres de les voir. Mais rien ne peut exprimer la surprise et la stupeur où je fus jetée quand je vis le premier homme qui sortit, et que je reconnus pour être mon mari du Lancashire, le même avec qui j'avais vécu si bravement à Dunstable, et le même que j'avais vu ensuite à Brook Hill lors de mon mariage avec mon dernier mari, ainsi que j'ai dit. Je fus comme étonnée à cette vue, muette, et ne sus ni que dire ni que faire. Il ne me reconnut point, et ce fut tout le soulagement que j'eus pour l'instant. Je quittai ma société et me retirai autant qu'il est possible de se retirer en cet horrible lieu, et je pleurai ardemment pendant longtemps. « Affreuse créature que je suis ! M'écriai-je. Combien de pauvres gens ai-je rendu malheureux ? Combien de misérables désespérés ai-je envoyé jusque chez le diable ? Je plaçai tout à mon compte les infortunes de ce gentilhomme. Il m'avait dit à Chester qu'il était ruiné par notre alliance et que ses fortunes étaient faites désespérées à cause de moi. Car, pensant que j'eusse été une fortune, il s'était enfoncé dans la dette plus avant qu'il ne pourrait jamais payer. Qu'il s'en irait à l'armée et porterait le mousquet, ou qu'il achèterait un cheval pour faire un tour, comme il disait. Et malgré que je ne lui eusse jamais dit que j'étais une fortune, et que je ne l'eusse pas proprement dupé moi-même, cependant j'avais encouragé la fausse idée qu'il s'était faite, et ainsi étais-je la cause originelle de son malheur. La surprise de cette aventure ne fit que m'enfoncer plus avant dans mes pensées et me donner de plus fortes réflexions que tout ce qui m'était arrivé jusqu'ici. Je me lamentais nuit et jour, d'autant qu'on m'avait dit qu'il était le capitaine de la bande, et qu'il avait commis tant de vols que Hind ou Whitney ou le fermier d'or n'étaient que des niais auprès de lui, qu'il serait sûrement pendu quand il ne dut pas rester d'autres hommes après lui dans le pays, et qu'il y aurait abondance de gens pour témoigner contre lui. Je fus noyée dans la douleur que j'éprouvais. Ma propre condition ne me donnait point de souci si je la comparais à celle-ci, et je m'accablai de reproches à son sujet. Je me lamentai sur mes infortunes et sur sa ruine d'un tel train que je ne goûtais plus rien comme avant et que les premières réflexions que j'avais faites sur l'affreuse vie que je menais commencèrent à me revenir. Et à mesure que ces choses revenaient, mon horreur de ce lieu et de la manière dont on y vivait me revint ainsi. En somme, je fus parfaitement changé et je devins une autre personne. Tandis que j'étais sous ces influences de douleur pour lui, je fus averti qu'à la prochaine session, je serais cité devant le grand jury et qu'on demanderait contre moi la peine de mort. Ma sensibilité avait été déjà touchée. La misérable hardiesse d'esprit que j'avais acquise s'affaissa et une conscience coupable commença de se répandre dans tous mes sens. En un mot, je me mis à penser. Et de penser, en vérité, c'est un vrai pas d'avancer de l'enfer au ciel. Tout cet endurcissement, cette humeur d'âme dont j'ai tant parlé, n'était que privation de pensée. Celui qui est rendu à sa pensée est rendu à lui-même. Sitôt que j'eus commencé, dis-je, de penser, la première chose qui me vint à l'esprit éclata en ces termes. « Mon Dieu, que vais-je devenir ? Je vais être condamné sûrement, et après, il n'y a rien que la mort. Je n'ai point d'amis, que vais-je faire ? Je serai sûrement condamné. Mon Dieu, ayez pitié de moi, que vais-je devenir ? » C'était une morne pensée, direz-vous, pour la première depuis si longtemps, qui avait jailli dans mon âme en cette façon. Et pourtant, ceci même n'était que frayeur de ce qui allait venir. Il n'y avait pas là-dedans un seul mot de sincère repentir. Cependant, j'étais affreusement déprimé et inconsolé à un point extrême. Et comme je n'avais nul ami à qui confier mes pensées de détresse, elles me pesaient si lourdement qu'elles me jetaient plusieurs fois par jour dans des pâmoisons et crises de nerfs. Je fis demander ma vieille gouvernante, qui, pour lui rendre justice, agit en fidèle amie. Elle ne laissa point de pierre qu'elle ne retournât pour empêcher le grand jury de dresser l'acte d'accusation. Elle alla trouver plusieurs membres du jury, leur parla et s'efforça de les remplir de dispositions favorables à cause que rien n'avait été enlevé et qu'il n'y avait point eu de maison forcée, etc. Mais rien n'y faisait. Les deux filles prêtaient serment sur le fait et le jury trouva lieu d'accusation de vol de maison, c'est à savoir de félonie et bris de clôture. Je tombai évanoui quand on m'emporta la nouvelle. Et quand je revins à moi, je pensais mourir sous ce fait. Ma gouvernante se montra pour moi une vraie mère. Elle s'apitoya sur moi, pleura avec moi et pour moi, mais elle ne pouvait m'aider. Et pour ajouter à toute cette terreur, on ne faisait que dire par toute la prison que ma mort était assurée. Je les entendais fort bien en parler souvent entre elles, et je les voyais hocher la tête et dire qu'elles en étaient bien fâchées, et autres choses semblables, comme il est d'usage en ce lieu, mais pourtant aucune n'était venue me dire ses pensées, jusqu'enfin un des gardiens vint à moi privément et dit avec un soupir. « Eh bien, Madame Flanders, vous allez être jugée vendredi. » Et nous étions au mercredi. Qu'avez-vous l'intention de faire ? » Je devins blanche comme un linge et dis « Dieu sait ce que je ferai. Pour ma part, je ne sais que faire. » « Et quoi ? » dit-il. « Je ne veux point vous flatter. Il faudrait vous préparer à la mort, car je doute que vous serez condamnée. Et comme vous êtes vieille délinquante, m'est avis que vous trouverez bien peu de merci. » On dit, ajouta-t-il, que votre cas est très clair, et que les témoins vous chargent de façon si positive qu'il n'y a point à y résister. C'était un coup à percer les entrailles même d'une qui, comme moi, était pliée sous un tel fardeau. Et je ne pus prononcer une parole, bonne ou mauvaise, pendant longtemps. Enfin j'éclatai en sanglots, et je lui dis « Oh, monsieur, que faut-il faire ?»« Ce qu'il faut faire, dit-il, il faut faire chercher un ministre pour lui parler, car en vérité, madame Flanders, à moins que vous n'ayez de bien puissants amis, vous n'êtes point une femme faite pour ce monde. » C'était là des discours sans embâge, en vérité, mais ils me furent très durs, ou du moins je me le figurai. Il me laissa dans la plus grande confusion que l'on puisse s'imaginer, et toute cette nuit je restai éveillée. Et maintenant je commençai de dire mes prières, ce que je n'avais guère fait auparavant depuis la mort de mon dernier mari, ou un peu de temps après. Et en vérité, je puis bien appeler ce que je faisais, dire mes prières. Car j'étais dans une telle confusion, et j'avais sur l'esprit une telle horreur, que malgré que je pleurasse et que je répétasse à plusieurs reprises l'expression ordinaire « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» je ne m'amenais jamais jusqu'au sens d'être une misérable pécheresse, ainsi que je l'étais en effet, et de confesser mes péchés à Dieu, et de demander pardon pour l'amour de Jésus-Christ. J'étais enfoncé dans le sentiment de ma condition, que j'allais passer en jugement capital, et que j'étais sûr d'être exécuté, et voilà pourquoi je m'écriais toute la nuit. « Mon Dieu, que vais-je devenir ? Mon Dieu, que vais-je faire ? Mon Dieu, ayez pitié de moi ! » et autre chose semblable. Ma pauvre malheureuse gouvernante était maintenant aussi affligée que moi, et repentant avec infiniment plus de sincérité, quoiqu'il n'y eût point de chance d'accusation portée contre elle. Non qu'elle ne le méritât autant que moi, et c'est ce qu'elle disait elle-même. Mais elle n'avait rien fait d'autre pendant bien des années que de receler ce que moi et d'autres avions volé et de nous encourager à le voler. Mais elle sanglotait et se démenait comme une forcenée, se tordant les mains et criant qu'elle était perdue, qu'elle pensait qu'il y eût sur elle une malédiction du ciel, qu'elle serait damnée, qu'elle avait été la ruine de toutes ses amies, qu'elle avait amené une telle et une telle et une telle à l'échafaud. Et là, elle comptait quelque 10 ou 11 personnes, de certaines desquelles j'ai fait mention, qui étaient venues à une fin précoce. Et qu'à cette heure, elle était l'occasion de ma perte, puisqu'elle m'avait persuadé de continuer, alors que je voulais cesser. Je l'interrompis là. « Non, ma mère, non, dis-je, ne parlez point ainsi, car vous m'avez conseillé de me retirer quand j'eus obtenu l'argent du mercier, et quand je revins de Harwich, je ne voulus pas vous écouter. Par ainsi, vous n'avez point été à blâmer, c'est moi seule qui me suis perdue et qui me suis amenée à cette misère. » Et ainsi nous passions bien des heures ensemble. Eh bien, il n'y avait point de remède. Le procès suivit son cours, et le jeudi, je fus transféré à la maison des assises, où je fus assigné, comme ils disent, et le lendemain, je fus appointé pour être jugé. Sur l'assignation, je plaidais non coupable. Et bien le pouvais-je, car j'étais accusé de félonie et débris de clôture, c'est-à-dire d'avoir félonieusement volé 2 pièces de soie de brocart, estimées à 46 livres, marchandises appartenant à Anthony Johnson, et d'avoir forcé les portes. Au lieu que je savais très bien qu'il ne pouvait prétendre que j'eusse forcé les portes, ou seulement soulevé un verrou. Le vendredi, je fus mené au jugement. J'avais épuisé mes esprits à force de pleurer les 2 ou 3 jours d'avant, si bien que je dormis mieux la nuit du jeudi que je n'attendais, et que j'eus plus de courage pour mon jugement que je n'eusse cru possible d'en avoir. Quand le jugement fut commencé et que l'acte d'accusation eut été lu, je voulus parler, mais on me dit qu'il fallait d'abord entendre les témoins et qu'ensuite on m'entendrait à mon tour. Les témoins étaient les 2 filles, paires de coquines fortes en gueule en vérité. Car bien que la chose fût vraie, en somme, pourtant elles l'aggravèrent à un point extrême et jurèrent que j'avais les étoffes entièrement en ma possession, que je les avais cachées sous mes habits, que je m'en allais avec, que j'avais passé le seuil d'un pied quand elle se fit revoir, et qu'aussitôt je franchis le seuil de l'autre pied, de sorte d'être tout à fait sortie de la maison, et que je me trouvais dans la rue avec les étoffes avant le moment qu'elles me prirent, et qu'ensuite elles m'avaient arrêtée et qu'elles avaient trouvé les étoffes sur moi. Le fait, en somme, était vrai. Mais j'insistais sur ce qu'elle m'avait arrêté avant que j'eusse passé le seuil. Ce qui, d'ailleurs, ne pesait pas beaucoup, car j'avais pris les étoffes et je les aurais emportées si je n'avais pas été saisie. Je plaidai que je n'avais rien volé, qu'il n'avait rien perdu, que la porte était ouverte et que j'étais entrée à dessein d'acheter. Si, ne voyant personne dans la maison, j'avais pris en main aucune des étoffes, il ne fallait point en conclure que j'eusse l'intention de les voler, puisque je ne les avais point emportées plus loin que la porte pour mieux les regarder à la lumière. La cour ne voulut rien accepter de ces moyens et fit une sorte de plaisanterie sur mon intention d'acheter ces étoffes, puisque ce n'était point là une boutique faite pour en vendre. Et quant à les avoir portées à la lumière pour les regarder, les servantes firent là-dessus d'impudentes moqueries et y dépensèrent tout leur esprit. Elles dirent à la cour que je les avais regardées bien suffisamment et que je les avais trouvées à mon goût, puisque je les avais empaquetées et que je m'en allais avec. En somme, je fus jugé coupable de félonie et acquitté sur le bris de clôture, ce qui ne fut qu'une médiocre consolation, à cause que le premier jugement comportait une sentence de mort et que le second n'eût pu faire davantage. Le lendemain, on m'amena pour entendre la terrible sentence. Et quand on vint à me demander ce que j'avais à dire en ma faveur pour en empêcher l'exécution, je demeurai muette un temps, mais quelqu'un m'encouragea tout haut à parler au juge, puisqu'il pourrait représenter les choses favorablement pour moi. Ceci me donna un peu de cœur, et je leur dis que je ne savais point de raison pour empêcher la sentence, mais que j'avais beaucoup à dire pour implorer la merci de la cour, que j'espérais qu'en un tel cas, elle me ferait une part d'indulgence, puisque je n'avais point forcé de porte, que je n'avais rien enlevé, que personne n'avait rien perdu. que l'homme à qui appartenaient ces étoffes avait eu assez de bonté pour dire qu'il désira qu'on me fît merci, ce qu'en effet il avait fort honnêtement dit, qu'au pire c'était la première faute et que je n'avais jamais encore comparu en cour de justice. En somme, je parlais avec plus de courage que je n'aurais cru pouvoir faire, et d'un ton si émouvant que, malgré que je fusse en larmes, qui toutefois n'était pas assez forte pour étouffer ma voix, je pus voir que ceux qui m'entendaient étaient émus aux larmes. Les juges demeurèrent graves et silencieux, m'écoutèrent avec condescendance et me donnèrent le temps de dire tout ce qui me plairait. Mais ni disant ni oui ni non, prononcèrent contre moi la sentence de mort. Sentence qui me parut la mort même et qui me confondit. Je n'avais plus d'esprits en moi. Je n'avais point de langue pour parler, ni Dieu pour les lever vers Dieu ou les hommes. Ma pauvre gouvernante était totalement inconsolée, et elle qui auparavant m'avait réconfortée avait elle-même besoin de l'être. Et parfois se lamentant, parfois furieuse, elle était autant hors du sens qu'une folle à Bedlam. On peut plutôt s'imaginer qu'on ne saurait exprimer quelle était maintenant ma condition. Je n'avais rien devant moi que la mort, et je n'avais pas d'amis pour me secourir, je n'attendais rien que de trouver mon nom dans l'ordre d'exécution qui devait arriver pour le supplice au vendredi suivant de 5 autres malheureuses et de moi-même. Cependant, ma pauvre malheureuse gouvernante m'envoya un ministre qui, sur sa requête, vint me rendre visite. Il m'exhorta sérieusement à me repentir de tous mes péchés et à ne plus jouer avec mon âme, ne me flattant point d'espérance de vie, étant informé, dit-il, que je n'avais point lieu d'en attendre, mais que, sans feinte, il fallait me tourner vers Dieu de toute mon âme et lui crier pardon au nom de Jésus-Christ. Il fortifia ses discours par des citations appropriées de l'Écriture qui encourageaient les plus grands pécheurs à se repentir et à se détourner du mauvais chemin. Et quand il eut fini, il s'agenouilla et pria avec moi. Ce fut alors que, pour la première fois, j'éprouvai quelques signes réels de repentir. Je commençai maintenant de considérer ma vie passée avec horreur, et ayant une espèce de vue de l'autre côté du temps, les choses de la vie, comme je crois qu'il arrive à toute personne dans un tel moment, commencèrent de prendre un aspect différent et toute une autre forme qu'elle n'avait fait avant. Les vues de félicité, de joie, les douleurs de la vie me parurent des choses entièrement changées. Et je n'avais rien dans mes pensées qui ne fût si infiniment supérieur à tout ce que j'avais connu dans la vie qu'il me parut de la plus grande stupidité d'attacher de l'importance à chose qui fut quand elle eut la plus grande valeur du monde. Le mot d'éternité se représenta avec toutes ses additions incompréhensibles et j'en eus des notions si étendues que je ne sais comment les exprimer. Le bon gentilhomme fut tellement ému par la vue de l'influence que toutes ces choses avaient eue sur moi, qu'il bénit Dieu qui avait permis qu'il vînt me voir et résolut de ne pas m'abandonner jusqu'au dernier moment. Ce ne fut pas moins de 12 jours après que nous eûmes reçu notre sentence, avant que personne fût envoyé au supplice. Et puis l'ordre de mort, comme ils disent, arriva, et je trouvai que mon nom était parmi les autres. Ce fut un terrible coup pour mes nouvelles résolutions. En vérité, mon cœur s'enfonça, et je pâmai deux fois, l'une après l'autre, mais ne prononçai pas une parole. Le bon ministre était bien affligé pour moi, et fit ce qu'il put pour me réconforter avec les mêmes arguments et la même éloquence touchante qu'il avait faite avant, et ne me quitta pas de la soirée, tant que les gardiens voulurent lui permettre de rester, à moins qu'il se fît clore sous les verrous avec moi toute la nuit, de quoi il ne se souciait point. Je m'étonnais fort de ne point le voir le lendemain, étant le jour avant celui qui avait été fixé pour l'exécution, et j'étais infiniment découragé et déprimé. Et, en vérité, je tombai presque par manque de cette consolation qu'il m'avait si souvent, et avec tant de succès, donnée lors de ses premières visites. J'attendis avec une grande impatience, et sous la plus grande oppression d'esprit qu'on puisse s'imaginer, jusqu'environ 4 heures qu'il vint à mon appartement, car j'avais obtenu la faveur, grâce à de l'argent, sans quoi en ce lieu on ne peut rien faire, de ne pas être enfermé dans le trou des condamnés, parmi les autres prisonniers qui allaient mourir, mais d'avoir une sale petite chambre pour moi seul. Mon cœur bondit de joie dans mon sein quand j'entendis sa voix à la porte, même avant que de le voir. Mais qu'on juge de l'espèce de mouvement qui se fit dans mon âme lorsque, après de brèves excuses sur ce qu'il n'était pas venu, il me montra que son temps avait été employé pour mon salut, qu'il avait obtenu un rapport favorable de l'assesseur qui avait examiné mon cas, et qu'en somme, il m'apportait un sursis. Il usa de toute la précaution possible à me faire savoir ce qu'il eût été d'une double cruauté de me dissimuler, car ainsi que la douleur m'avait bouleversé avant, ainsi la joie me bouleversa-t-elle maintenant, et je tombai dans une pâmoison plus dangereuse que la première, et ce ne fut pas sans peine que je revins à moi. Le lendemain matin, il y eut une triste scène en vérité dans la prison. La première chose dont je fus salué le matin fut le glas du gros bourdon de Saint-Sépulcre qui annonçait le jour. Sitôt qu'il commença à tinter, on entendit retentir de mornes gémissements et des cris qui venaient du trou des condamnés, où gisaient 6 pauvres âmes qui devaient être exécutées ce jour-là. Les unes pour un crime, les autres pour un autre, et 2 pour assassinat. Ceci fut suivi d'une confuse clameur dans la maison, parmi les différents prisonniers qui exprimaient leur grossière douleur pour les pauvres créatures qui allaient mourir, mais d'une manière extrêmement dissemblable. Les uns pleuraient, d'autres poussaient des hurrahs brutaux et leur souhaitaient bon voyage, d'autres damnaient et maudissaient ceux qui les avaient amenés là, beaucoup s'apitoyaient, et peu d'entre eux, très peu, priaient pour eux. Il n'y avait guère là de place pour le recueillement d'esprit qu'il me fallait, afin de bénir la Providence pleine de merci, qui m'avait, comme il était, arraché d'entre les mâchoires de cette destruction. Je restai, comme il était, muette et silencieuse, toute submergée par ce sentiment, et incapable d'exprimer ce que j'avais dans le cœur. Car les passions en telles occasions que celle-ci sont certainement trop agitées pour qu'elles puissent en peu de temps régler leurs propres mouvements. Pendant tout le temps que les pauvres créatures condamnées se préparaient à la mort, et que le chapelain, comme on le nomme, se tenait auprès d'elles pour les disposer à se soumettre à la sentence, pendant tout ce temps, dis-je, je fus saisi d'un tremblement qui n'était pas moins violent que si j'eusse été dans la même condition que le jour d'avant. J'étais si fortement agité par ce surprenant accès que j'étais secoué comme si j'eusse été prise d'une fièvre, si bien que je ne pouvais ni parler ni voir, sinon comme une égarée. Sitôt qu'on les eut toutes mises dans les charrettes et qu'elles furent parties, ce que toutefois je n'eus pas le courage de regarder, sitôt, dis-je, qu'elles furent reparties, je tombai involontairement dans une crise de larmes, comme si ce fût une indisposition soudaine et pourtant si violente, et qui me tint si longtemps que je ne sus quelle partie prendre. Ni ne pouvais-je l'arrêter, ni l'interrompre, non, malgré tout l'effort et le courage que j'y mettais. Cette crise de larmes me tint près de 2 heures, et ainsi que je crois, me dura jusqu'à ce qu'elles fussent toutes sorties de ce monde. Et puis suivit une bien humble, repentante, sérieuse espèce de joie. Ce fut une réelle extase, ou une passion de gratitude, dans laquelle je passai la plus grande partie du jour. Ce fut environ 15 jours après que j'eus quelque juste crainte d'être comprise dans l'ordre d'exécution des assises suivantes. Et ce ne fut pas sans grande difficulté, et enfin par humble pétition d'être déportée, que j'y échappai. Si mal étais-je tenue à la renommée, et si forte était la réputation que j'avais d'être une ancienne délinquante au sens de la loi, quoique je puisse être aux yeux des juges, n'ayant jamais été amené encore devant eux pour cas judiciaire. De sorte que les juges ne pouvaient m'accuser d'être une ancienne délinquante, mais l'assesseur exposa mon cas, comme bon lui sembla. J'avais maintenant la certitude de la vie en vérité, mais avec les dures conditions d'être condamné à être déporté, ce qui était, dis-je, une dure condition en elle-même, mais non point si on la considère par comparaison. Et je ne ferai donc pas de commentaire sur la sentence, ni sur le choix qui me fut donné. Nous choisissons tous n'importe quoi plutôt que la mort, surtout quand elle est accompagnée d'une perspective aussi déplaisante au-delà, ce qui était mon cas.